femmes violées et 319 femmes kidnappées dont on ne sait encore ce qu'il en est advenu. Le quotidien arabophone El Rabat, qui cite une source proche du ministère de l'Intérieur, évoque là une tragédie qui est souvent gardée secrète par les familles dont l'honneur doit être sauvegardé coûte que coûte. Il est arrivé à plusieurs reprises. Violées en série par des hommes irsutes, de jeunes femmes, et malgré tout réussi à se sauver. Arrivées au portillon de leur maison, elles ne s'attendaient pas à être rejetées par leur propre père, qui a choisi de les renier pour sauvegarder le restant de la famille. Arrivées au portillon. Algériennes préfèrent mourir.